dès que venait le froid, elle fuyait le nord pour le soleil encore, comme les hirondelles. Elle, comme un beau papillon allant de cœur en cœur au rythme des saisons. Elle, qui saura l'effacer. Elle vient certains soirs, sourit dans mon miroir et puis quand je l'appelle, elle, c'est vrai, je l'appelais de tous les noms d'oiseaux qu'il chantait au matin quand j'étais auprès d'elle. Elle, cet ange, ce démon qu'on ne sut retenir qu'une seule saison. Elle, qui a cru l'arracher. Elle, du creux de son passé. Elle, je sais que certains soirs, quand je vois tout en noir, je viens et je l'appelle. Comme on a pu de nos rêves perdus et de souvenirs d'elle. Elle, elle, c'était l'été, le moment premier où tout a commencé. Elle, qui viendra l'arracher. Parfois, tout au fond de moi, je sais qu'elle s'appelle.